Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'après-guerre civile aux États-Unis, une révolution inachevée. Mais on a gagné. Je sais. Ils ont dit, le général Sherman, il a dit... Je sais ce qu'ils ont dit. Il a dit 40 acres et une mule pour chaque affranchi et sa famille. Ils ont tout renié. Qui ça? Le nouveau président. Ce n'est plus le président Lincoln, mais Johnson. Johnson. Je ne comprends rien. Est-ce qu'on est libre ou est-ce qu'on n'est pas libre? T'as compris. On a été libérés sans l'être. Extrait du film « L'état libre de Jones » réalisé par Gary Ross en 2016. On a été libérés sans l'être. Ces quelques mots pourraient à eux seuls résumer cette période de l'histoire américaine qui suit la guerre de sécession et qu'on appelle la période de reconstruction. Cette période de la reconstruction est une période d'espoir déçu pour les Afro-Américains. Après avoir obtenu d'importants droits, le droit de voter, mais aussi celui d'être élu, par exemple, la communauté noire va vite subir le dur contre-coup de ce qu'on va appeler la contre-révolution blanche des suprémacistes du Sud. C'est la fameuse période que les Américains appellent de la Reconstruction et qui est vraiment une période très difficile pour le Sud, spécialement pour la Louisiane. C'est le purgatoire. Enfin, les armées fédérales occupent le pays. Alors cette période, j'ai voulu la raconter parce qu'on la connaît très mal et montrer toute cette effervescence politique, économique, les gouvernements des Carpetbaggers, dire aussi aux gens que en Louisiane, les Noirs avaient eu le droit de vote, qu'il y avait eu un lieutenant-gouverneur noir, et on s'est très vite aperçu. D'ailleurs, après l'abolition de l'esclavage, quand on a ouvert des écoles pour les enfants des esclaves, que ces garçons et ces filles étaient tout à fait capables d'apprendre comme les autres, que leur coefficient intellectuel valait largement celui des Blancs. Et c'est d'ailleurs ce qui a déterminé le Ku Klux Klan à s'attaquer très spécialement aux enseignants qui enseignaient justement les enfants des esclaves. Le romancier français Maurice Denusière, auteur de Louisiane, une suite romanesque en 6 volumes, à l'émission aux 20 heures en juin 1979, pour nous décrire cette période un peu folle sur le plan politique qu'a été la période de reconstruction. Mon invité, l'historienne Mylène Desautels, professeure d'histoire au Collège Lionel Groulx, dans la région de Montréal. Mylène Desautels, bonjour. Bonjour. Cet épisode de l'histoire des États-Unis qu'on appelle la période de reconstruction, c'est vrai, Mylène Desautels, qu'elle est beaucoup moins connue que la période qui précède, celle de la guerre civile ou la guerre de sécession. Pourquoi s'intéresser à cette période de la reconstruction? Évidemment, cette période est moins connue parce qu'elle n'est pas spectaculaire. La guerre de sécession, c'est une guerre, il y a des victoires, il y a des héros, à la fois dans le Sud et dans le Nord, et elle se termine par un assassinat, celui d'Abraham Lincoln, qui a été lui aussi spectaculaire. Tandis que la période de reconstruction, celui qui est président, c'est un des présidents les plus détestés de l'histoire, Andrew Johnson, on va en reparler, et il n'y a pas de grands héros, et il n'y a pas non plus... Il y a des victoires, mais qui vont vite être effacées. Et c'est une période qui est un peu frustrante pour les Américains. Ça ouvre une fenêtre sur plein de possibilités, mais qui seront finalement des espoirs déçus. Les historiens américains disent souvent que c'est la période des « what if ». À quoi auraient ressemblé les États-Unis si cette période qu'on dit de reconstruction radicale avait réellement été mise en place et avait annoncé la suite de l'histoire des États-Unis? C'est vrai que ça aurait été assez facilement, puis on va la refaire, l'histoire de cette période de la reconstruction, mais c'est clair que si ces avancées des Noirs avaient été maintenues, ce pays-là ne serait en rien semblable à ce qu'il est aujourd'hui. Exactement. Ouais. C'est vraiment un des États-Unis différents, avec une égalité raciale réelle et non pas seulement théorique, comme ils l'ont gagné. Ils ont gagné, en théorie, l'extrait sonore le disait bien. Ouais. On est libre ou on ne l'est pas? En théorie, oui. Mais en pratique, dans le Sud, ils vont l'être très brièvement. Une fenêtre de 10-11 ans qui va se refermer aussitôt. Un âge d'or éphémère et perdu. Exactement. Parlons du terme comme tel, parce que c'est important de le faire, ce n'est pas un hasard. Période de reconstruction. Pourquoi reconstruction? Qu'est-ce qu'on a en tête quand on parle de reconstruction après la guerre civile américaine? C'est en fait une période qui a beaucoup d'inconnus, même pour les Américains à l'époque. Comment on fait pour reconstruire un pays suite à une guerre civile? C'est inscrit nulle part dans la Constitution, la marche à suivre après une sécession puis une réintégration. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit traiter ces États-là qui se sont réécrits des constitutions, qui ont pris un drapeau, qui ont eu un parlement? Est-ce qu'on les intègre comme des ennemis des pays étrangers qu'on vient de conquérir ou on les réintègre comme les vieux États qu'ils étaient sans rien changer. Ouais. Et aussi, qui est responsable? Est-ce que c'est le Congrès américain qui, durant la guerre de sécession, a informé seulement d'élus nordistes ou presque, ou c'est le président? Qui est responsable de cette reconstruction? Dans la Constitution américaine, il n'y a rien qui est prévu pour ça. Et donc, c'est une période qui, dès le début, durant la guerre même, sous Abraham Lincoln, est remplie d'incertitudes. En fait, la question, c'est sous quelles conditions on retrouve les États sécessionnistes. C'est un peu ça le défi de cette reconstruction. Puis vous le disiez, officiellement, je pense que ça commence, cette période-là, on dit 1865, ouais. Mais dans les faits, Lincoln est toujours là, ça commence vraiment la réflexion sur comment on réintègre les États sécessionnistes vers 1863. Exactement. En fait, dès que le Nord commence à reconquérir des parties des États du Sud, Lincoln met en place un plan de reconstruction. Et donc, son plan, le premier, on dit c'est le plan de 10 %, il est en fait assez clément envers le Sud. Lincoln va quand même pousser pour la libération des Noirs. On se souvient qu'en 1863, il proclame l'émancipation des esclaves du Sud. Et puis, en 1865, il va aller plus loin et va forcer pour faire passer donc le 13e amendement qui abolit l'esclavage au Nord et au Sud aux États-Unis. Et en parallèle, il travaille pour réintégrer les États du Sud, mais Lincoln a une approche très, très conciliante. C'est le plan de 10 %. Dès qu'il y a 10 % de la population qui jure fidélité à l'Union et qui ratifie le 13e amendement, hop, on peut réintégrer. Le pardon est très large, très, très peu de persécution là, par rapport aux placés confédérés. Et Lincoln préfère donc retourner à une paix, une union en étant très clément. Par contre, le Congrès, plus radical, avec des républicains radicaux, déjà sous Lincoln, il y a énormément de tensions. Pour eux, c'est pas suffisant, oui, réintégrer les États sudistes comme ça. Mais Lincoln, en fait, c'est clair que son objectif politique, c'est l'union, en fait. Il veut, j'allais dire à tout prix, mais il veut réintégrer les États sécessionnistes, sans condition ou à peu près. Tout à fait. Ouais. Où ces conditions sont très minimales. Ouais. Bon, alors, il va mourir, Abraham Lincoln, en avril 1865. Il est assassiné. C'est pas rien. C'est son vice-président Andrew Johnson qui lui succède à sa mort. Et ça va avoir un impact énorme sur cette période de reconstruction. De quelle manière? Bien, Andrew Johnson n'est pas Abraham Lincoln. Il a été choisi de manière très stratégique parce que c'est un sudiste qui est resté fidèle à l'Union. Il est lui-même raciste ouvertement. Hein, il proclame que les États-Unis doivent rester un « white man's country forever », donc un pays de l'homme blanc pour toujours. Et pour lui, le 13e amendement est tout à fait suffisant et son plan de reconstruction va être encore plus clément que celui de Lincoln. Alors déjà, on était avec pas beaucoup de conditions pour les États sudistes et là, dans le Sud, on le comprend très bien. Et en fait, on ne respecte même pas le plan minimal de Johnson et on fait comme si on n'avait pas perdu la guerre. Et pourtant, le Sud est ruiné. Hein? On sait qu'on a perdu la guerre, mais dans l'esprit, dans l'attitude, on a très peu de repentir par rapport à la question d'esclavage et on s'empresse de voter, par exemple, des codes noirs qui vont contrôler la population d'ex-esclaves et les maintenir à toute fin pratique encore en servilité. On comprend qu'il y a un président très, très laxiste sur cette question. On essaie de tirer le maximum de tout ça. Le Congrès l'entend autrement, par ailleurs. Vous le disiez, même à l'époque où Lincoln est toujours en poste, son Congrès est plus radical que lui sur la façon dont on doit ou pas réintégrer les États sécessionnistes. Avec le laxisme extrême de Johnson, ça va créer des flamèches. Bien, tout à fait. En fait, la première façon dont le Congrès va résister, c'est quand il y a des élections qu'on dit mi-mandat, en 1800, on est en 66, 65-66, les membres du Sud sont élus, soit aux représentants, soit des sénateurs, ils arrivent. Et là, il y a des ex-confédérés. Il y a même le vice-président de la Confédération des États du Sud qui a été élu et qui s'en vient au Congrès siéger. Et il y en a même qui portent l'habit des confédérés, l'habit militaire des confédérés pour venir siéger au Sénat ou à la Chambre des représentants. Et là, le Congrès... C'est une provocation, clairement. Tout à fait, tout à fait. C'est pour bien montrer on n'obéira pas, même à ce plan de reconstruction minimal d'Andrew Johnson. Et le Congrès ne l'entend pas comme ça. Ils siègent déjà. C'est des nordistes. La plupart sont des républicains radicaux. Et eux disent, on ne vous réintègre pas. Vous êtes à Washington, mais vous ne rentrez pas ni à la Chambre des représentants, ni au Sénat. Et c'est le Congrès qui prend en charge la reconstruction. Et là, la reconstruction va être beaucoup plus radicale. C'est l'appellation qu'on a gardée. C'est une occupation militaire du Sud qui est divisée en 5 districts. Et on va ouvrir ce qu'on appelle les Freedmen's Bureau, les bureaux d'aide aux hommes libérés, oui, dans la traduction. Et on va vraiment faire une vraie libération des Noirs. Et on empêche, évidemment, la signature des codes noirs. Et on va pousser pour que les Noirs ne soient pas seulement plus esclaves, mais soient aussi des citoyens et éventuellement qu'ils aient le droit de vote. Et évidemment, face à ça, Johnson est absolument contre. Il va constamment imposer son veto, veto qui va systématiquement être renversé par le 2/3 des chambres. En fait, dans l'histoire politique américaine, cette période-là, elle est complètement folle et frénétique parce que cette joute entre le Congrès et le président atteint des sommets. On va enclencher une procédure de destitution, mais c'est vraiment complètement fou politiquement, là, le climat à Washington. Bien, tout à fait, parce qu'on a le président qui dit « c'est moi qui est en charge de la reconstruction », mais c'est ordres ne sont pas obéis par les représentants ou les sénateurs qui disent non, c'est nous qui sommes en charge. Donc, adoption de mesures par le Congrès, veto présidentiel, mais à répétition. Renversement des vétos à chaque fois. Johnson va utiliser plus de vétos que tous les présidents réunis avant lui. Alors, il est constamment en train de mettre son veto, mais le veto est renversé et ça va pousser la Chambre des représentants à voter une mesure d'impeachment. Et ça va se rendre au Sénat, un procès, mais ça va être évité de justesse par une voix, le renversement de Johnson. Mais au fond, là, on est rendu à la fin de sa présidence. Oui. On est en 1868 et il ne se représentera pas. Et de toute façon, il aurait perdu ses élections. Trop fragile. Exactement. Donc, il part. Et à l'élection de 68, en fait, c'est le président Grant qui arrive. Oui, un héros de la guerre, hein, général nordiste, qui a un bon capital de sympathie et qui va être élu. Et la reconstruction va se poursuivre sous Grant, mais avec beaucoup plus de collaboration entre le président et le Congrès. Et ce qui va donner, entre autres, un amendement qui va être très, très important, le 15e amendement. Cette réunion de la Union League de Soussou et du comité de Jones est officiellement ouverte. Le voici, devant vous. Le Congrès a ratifié cet amendement à la Constitution des États-Unis. Article 15. Section 1. Le droit de tout citoyen des États-Unis d'Amérique à voter ne sera pas refusé ni limité par les États-Unis ou par un État quelconque pour des raisons de race, de couleur ou par un État antérieur de servitude. Donc, même si nous étions des esclaves, nous pouvons voter maintenant. Le Congrès a adopté la loi. À nouveau, un extrait du film L'État libre de Jones, sorti en 2016. Que prévoit Mylène Dozeautel? On l'a un petit peu entendu dans l'extrait, là, mais quelle est l'importance et que prévoit ce fameux 15e amendement? Mais en fait, ça donne le droit de vote. Et là, les Noirs ont vraiment tous les outils pour s'impliquer dans cette reconstruction-là. Elle ne se fait plus sans eux. À partir de ce moment-là, on va avoir une fenêtre de 10-11 ans où les Noirs vont participer énormément à la vie économique, politique et sociale du Sud. Ils sont citoyens à part entière. À part entière. Ils ont le droit de voter, mais plus encore, ils ont le droit d'être élus. Effectivement, et ils vont vraiment se ruer sur les différents postes. Il va y avoir des Noirs élus à tous les niveaux, au niveau shérif, au niveau des maires, au niveau des législatures d'État. On a même en Caroline du Sud une majorité de Noirs qui est élue. C'est d'ailleurs ce qui est caricaturé de manière extrêmement raciste dans le film The Birth of a Nation qui a été projeté là, en 1915 et qui montrait que c'était le règne de la barbarie. On veut vraiment dénigrer là, ces élus noirs. Et il y aura même 2 sénateurs et 14 représentants à Washington élus parmi les différents États du Sud. En tout, on parle de 2000 Noirs. Et donc, ça veut dire que les Noirs se sont vraiment rués pour profiter de ces nouveaux droits-là. Et ce sera la même chose aussi au niveau des écoles. Oui. On se rappelle que sous l'esclavage, il y a une interdiction d'apprendre à lire et écrire et on estime que seulement peut-être 2 à 3 % des esclaves savaient lire et écrire. Et là, très rapidement, on est sur les bancs d'école et on veut apprendre à lire et écrire. Parce qu'au fond, les Noirs, c'est tout un enjeu, la fin de l'esclavage. Ils n'en auront pas de compensation. Le Freedmen's Bureau les aide à trouver, à ouvrir des écoles, à avoir du matériel, peut-être parfois des terres confisquées, mais sinon, on ne donnera pas de compensation. Cette idée-là n'a pas passé au Congrès. Et les Noirs sont libres, ont le droit de vote, sont citoyens, mais ne possèdent rien, à part le linge qu'ils ont sur le dos. Ils n'ont aucune possession, aucune éducation. Et c'est pour ça que durant cette période-là, on voit vraiment qu'on veut profiter de ces nouveaux droits, de cette nouvelle liberté, et c'est ce qu'on va faire en grand nombre. En mettant aussi, l'école, c'est important parce que les chiffres vont le montrer, le taux d'alphabétisation va vraiment grimper dans cette période-là. Déjà, le 1870, on est rendu à 15 % d'alphabétisation chez les Noirs. Donc, on voit vraiment qu'on se rue sur les écoles et ce chiffre-là va augmenter, mais à un certain moment, va plafonner. Oui. À cause de la contre-révolution blanche dont on va parler. Et on en parle tout de suite, en fait, de cette contre-révolution, parce que si les républicains progressistes adoptent toute une série de mesures, justement, progressistes, qui vont dans le sens d'une reconnaissance des Noirs, d'une pleine égalité des Noirs aux États-Unis, au Sud, évidemment, ça provoque énormément de mécontentement. Et vous l'avez un petit peu évoqué, mais il y aura toutes sortes de manières de contourner cette nouvelle égalité entre blancs et noirs aux États-Unis. Les fameux codes noirs seront l'un des principaux instruments que vont utiliser justement ces suprémacistes du Sud. On écoute à ce propos un extrait du documentaire Reconstruction diffusé à PBS en 2019. Vous allez y entendre les historiens Eric Foner et Edna Green Medford. The key to the black codes was what they called vagrancy laws, things like that. La clé des codes noirs était ce qu'ils appelaient les lois sur le vagabondage. Des choses comme celle-ci. Chaque adulte noir était tenu de signer un contrat de travail annuel avec un employeur blanc, et s'il ne le faisait pas, il était considéré comme un vagabond et pouvait être condamné à devoir payer une amende. Et s'il ne pouvait pas payer l'amende, il pouvait être vendu aux enchères à quelqu'un qui paierait cette amende pour ensuite devoir rembourser l'amende à cette personne. And then they'd have to work off the fine for that person. What's even worse than being arrested if you don't have a job is having your children taken away. Ce qui est encore pire que d'être arrêté si vous n'avez pas de travail, c'est que l'on s'empare de vos enfants. Votre voisin pouvait aller devant les tribunaux et dire « John Jones ne peut pas s'occuper de ses enfants. Il est indigent, mais je vais prendre cet homme et ses enfants et les former selon la méthode agricole. Je formerai gratuitement les filles dans la maison et je récolterai le fruit de leur travail. » Les parents recevront un peu d'argent à la fin de leur contrat de servitude. Mais les parents noirs n'ont jamais eu leur mot à dire dans tout ça. But black parents didn't have a say in this. Les codes noirs, c'est un des instruments dont vont servir les suprémacistes blancs du Sud dans ce grand exercice de contre-révolution blanche. Il y en aura d'autres. Quelle forme va prendre concrètement, Mylène Desautels, cette contre-révolution blanche du Sud? Oui, d'abord, les codes noirs, c'est la première façon que le Sud a trouvé pour revenir à un état de servitude à toute fin pratique, mais ça va être contrecarré par cette reconstruction radicale et l'occupation militaire du Sud avant de pouvoir être intégré. Le Congrès pose des conditions très sévères aux États sudistes pour pouvoir être réintégrés et notamment ne plus avoir ces codes noirs-là. Qui sont des manières de contourner la loi, en fait, la Constitution américaine. Tout à fait, et c'est une façon de garder les Noirs d'abord captifs, parce qu'on on les empêche de se promener d'une plantation à l'autre. Et c'est une façon aussi de les attacher à la terre avec un système qu'on dit de métayage et de dette. Ils sont toujours endettés auprès du planteur et donc, finalement, ils n'en ont pas de liberté. Donc, même si l'esclavage est aboli, ça reste une façon de créer une nouvelle forme d'esclavage, au fond. Exactement. Ouais. Et ça va être la première façon. Les codes noirs ne seront plus donc en vigueur, mais le métayage, ce système-là, lui, va se poursuivre. Et très rapidement aussi, on va passer à un deuxième degré, la violence et l'intimidation. Et là, plusieurs groupes vont se mettre sur pied pour instaurer un climat de terreur et empêcher les Noirs d'exercer leurs nouveaux droits. Évidemment, on connaît le plus connu d'entre eux, le KKK. Ouais. Mais il y en a plusieurs. Et dans chaque État, par exemple, les Knights of the White Camellia, mafia, les Red Shirts, les Rifle Clubs, le White League. Et tous ces clubs-là privés fonctionnent de pair avec le Parti démocrate sudiste et font tout pour non seulement empêcher les Noirs, par exemple, de voter, mm-hmm. de se représenter, d'aller dans les écoles. Et on vise aussi les Blancs qui sont leurs alliés. Soit les Blancs qui viennent du Nord, les Républicains, on les appelle les Carpetbaggers, ou pire encore, les Blancs sudistes qui, eux, sont d'accord avec cette reconstruction, sont prêts à aller de l'avant et bâtir cette nouvelle société-là. Et eux vont vraiment être aussi poursuivis par ces groupes-là. Et ça va donner lieu à vraiment une période très violente oui. où on va avoir plusieurs massacres, surtout lors de périodes électorales. Donc, massacre, lynchage, mais à répétition, grande, grande violence. Et pour justifier cette violence-là, on va développer toute une rhétorique, au fond, une espèce d'idéologie. Un discours justifiant cette violence. Quand on lit les journaux de l'époque, là, c'est fâchant parce qu'on voit comment, dans les journaux sudistes, on martèle le danger d'une société mixte. Et il faut à tout prix éviter cette mixité. Et ça va affaiblir la race blanche. Et surtout, les Noirs ne sont pas fiables, ne sont pas intelligents, sont paresseux de nature. Et on martèle sans cesse le danger pour les femmes blanches qui seront agressées en grand nombre par les hommes noirs. Et on notera que c'est une accusation extrêmement ironique quand on pense que les femmes noires ont été victimes d'agressions sexuelles depuis le début de l'esclavage et que les lois faisaient même en sorte que les hommes blancs n'avaient même pas à reconnaître les enfants nés de ces unions-là forcées. Alors, l'accusation est pour le moins ironique, mais elle est martelée sans cesse dans les journaux, dans les discours. Ouais. On veut montrer le danger de cette société-là. Et c'est l'élection de 1876, Mylène Desautels, qui va venir clore cet épisode de la période de reconstruction, qui va mettre un terme, malheureusement, à cet âge d'or là, qui a duré une dizaine d'années. Comment ça se termine, cette histoire de la reconstruction? C'est le clou dans le cercueil. Vraiment, déjà avant l'élection, on sent une certaine lassitude du Nord hein, qui a mis beaucoup d'énergie, a eu une occupation militaire du Sud, mais on commence à se tanner un peu de cette reconstruction-là et d'avoir à contrer. Et je dirais que le Nord n'est pas du tout exempt de racisme. Mm-hmm. On sait que, par exemple, le droit de vote a été passé de justesse dans certains États. Et donc, c'est pas une unanimité au Nord. Et à l'élection de 1876, il y aura corruption des deux bords, et du Parti démocrate et du Parti républicain. Et il y a une espèce de situation bizarre où on ne sait pas qui a gagné. Finalement, on va se rencontrer dans un hôtel à Washington pour faire une négociation entre les deux partis. On décide que le républicain Hayes gagne la présidence, mais en échange, il s'empresse de retirer l'armée du Sud, de fermer les Freedmen's Bureau, et à toute fin pratique, on a fait la paix en abandonnant les Noirs. Et donc, la contre-révolution blanche peut vraiment s'instaurer. C'est le début des lois Jim Crow, de la ségrégation, et les Noirs n'auront plus la possibilité d'exercer leurs droits comme ils l'ont eu. Et dans le Sud, on appelle ça « redemption ». Hein, le mot est très, très fort. Enfin, on a la rédemption suite à la guerre de sécession. Mylène Desautels, c'était passionnant. Professeur d'histoire au Collège Lionel Groulx dans la région de Montréal. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.